Te souviens-tu du lourd secret qui a fait ta jeunesse? Te revois-tu à l'aube de ces jours funestes? Quel est ce portrait accroché à même ciel? Est-ce un de ces fardeaux que seuls comprennent les immortels? Quelle est ta réponse aux questions? Quelle est ta quête? Comploter d'autres révolutions derrière ta fenêtre? Ou envoûter une autre victime à saigner comme une bête? Dorian.